Je voulais vous remercier à mon tour pour le grand intérêt de ce que vous venez de dire et de nous montrer. Je voulais tout de suite réagir sur deux choses. La première, c'était j'ai effectivement éprouvé moi-même à l'époque de mon travail cette mimétique entre les façons de parler et les façons de marcher. Alors là, on n'était pas dans l'ordre d'un récit, enfin d'une description d'itinéraire, qui est indicatrice, mais simplement je souligne en disant les façons de marcher. Alors, je me demandais si vous aviez aussi donné une part à l'empathie, d'une part, bon, vous l'avez fait, mais dans cette dimension où la corporealité est presque plus importante que la référence à une espèce de représentation orthonormée qui fonctionne par des coordonnées cartésiennes et qui est l'image du plan qu'on a en même temps, qu'on peut avoir en même temps, qu'on donne le chemin à quelqu'un, et en même temps donc aussi à la dimension affective et émotionnelle. Parce que c'est enfin, moi ce qui m'a frappé à l'époque, je n'avais pas probablement des armes si précises que vous et l'iconicité diagrammatique, je ne connaissais pas, mais ce qui m'a frappé, c'est les homologies de style. Et si on dit style en même temps, il y a de l'affectivité qui est engagée, bien sûr, dans cela. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez aussi tirer pour vos analyses cette dimension-là. Alors, je vous remercie pour ce commentaire, parce que précisément, ça m'intéresse bien aussi. Alors, je peux répondre. Pour ce qui est de l'affectivité, je peux répondre à deux niveaux. Alors, premier niveau, sur lequel on s'entendra facilement, parce que ça correspond aux définitions habituelles qu'on donne de l'affectivité, ça provoque des émotions, du trouble, etc. Bon, c'est la phase d'orientation, le moment où la requête vient d'être donnée. Et alors, il y a ces énoncés que j'ai appelés des énoncés de difficulté qu'on peut retrouver ailleurs hein, dans la description, mais qui se trouvent très fortement positionnés quand même en tête de description, en préface, avant qu'on entre dans les descriptions elles-mêmes. Et alors là, les gens s'exclament, ils s'inquiètent. Hein. Et alors, on pourrait le prendre au niveau pratique et dire que finalement, comme ce sont des textes de consignes, le but essentiel, c'est de réussir hein, à faire atteindre la cible. Et à ce point de vue-là, donc, il y a un trouble, parce que est-ce que je vais vraiment réussir à faire trouver la cible ? Donc ça, c'est la dimension texte de consigne. Alors, il faut y ajouter aussitôt d'autres analyses qui enrichissent un peu. Par exemple, la face du locuteur est menacé, puisque en réalité, s'il n'arrive pas à donner bien le chemin, il va perdre la face. Et à ce point de vue-là, j'ai constaté une très importante différence entre les locuteurs masculins et les locuteurs féminins. Moi, je vous avoue, hein, j'ai lu souvent hein, dans les travaux sur la perception de l'espace qu'il y avait des différences notables entre hommes et femmes. Ben alors, je ne sais pas, Sarok, ils ne sont pas comme les autres peut-être, parce que moi, je... Enfin, mais je n'ai peut-être pas bien regardé aussi, je n'ai pas tellement constaté de différence. Il y a des locuteurs plus ou moins compétents, hein, voilà. Mais en revanche, les femmes sont souvent moins sûres d'elles. Je peux vous en montrer une. Elle est remarquable, cette femme, parce qu'elle nous donne très bien le chemin. Mais que de précautions elle prend. J'ai bien peur de vous induire en erreur. Donc là, l'affectivité joue et le clivage homme-femme dans le comportement à l'égard de l'espace est très important. Les hommes se sentent obligés de réussir dans l'espace et de donner le chemin. Mais c'est très dur pour vous, messieurs, je ne vous accuse pas d'être à la folle à chaud. Je trouve que c'est très dur pour vous, parce que vous devez être forcément bon. Mais c'est très dur pour nous aussi parce que nous sommes forcément mauvaises, a priori. Dans les images sociales que l'on donne, des femmes, n'est-ce pas, qui n'ont jamais le sens de l'orientation, qui sont toujours paumées dans l'espace. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'affectif, vous voyez, vous riez, c'est de l'affectif. Mais ça, c'est de l'affectivité, je dirais, que nous acceptons tous comme de l'affectivité. Alors il y a un deuxième niveau d'affectivité, on en parlait avec Rachel Thomas tout à l'heure au moment du repas, que, enfin, moi je considère que c'est de l'affectivité. Mais c'est l'affectivité dans la transmission praxéologique du savoir. À mon avis, la communication par les corps, c'est aussi de l'affectif. Mais un affectif, je dirais, non spectaculaire et non du tout considéré dans la liste stéréotypée de ce qui est affectif. Ça met en jeu aussi la communication des corps, le contact par le corps. Il y a quelque chose là qui passe, qui est de l'ordre de l'affectif. Voilà. Évidemment, je ne mettrai pas une étiquette sur cette affectivité-là. Il faut l'appeler praxéologique. Quoi. Évidemment, ce n'est pas, pas la colère, ce n'est pas l'envie, ce n'est pas le... voilà. C'est pas les émotions telles qu'on on les donne en liste dans les travaux sur les émotions. Hein. Hendrik et puis Jean-Paul. Il voit encore plus le fait que penser à un travail d'artiste, dans les branches, qui est dans, sa, dans son paradigme très proche, qui demande, depuis les années 60, demande au passant de lui indiquer un chemin. Et le temps, pas une caméra ou un micro, mais un carnet de dessins qui recolle ses dessins. Et j'imagine que c'est un corpus que vous connaissez. C'est le cas ? Non, je ne connais pas ce corpus. Je connais le travail qu'avait fait le géographe Kevin Lynch, qui avait demandé aussi aux gens de dessiner des... La question, okay, la question que je ne peux plus poser à vous, mais je me pose maintenant moi-même si les niveaux, les deux niveaux que vous décrivez, la connotative expansive, se retrouvent aussi dans ces dessins-là des ténèbres. Mm-hmm. Je serais intéressée d'avoir la référence. Merci beaucoup. La référence à ce livre. Hein. Merci. Mm-hmm. Donc Jean-Paul, et après il y a monsieur qui est derrière. Merci de l'exposé qui a enrichi beaucoup la discussion sur la façon de travailler sur la marche, d'observer la marche. Moi, j'avais une question par rapport à la vidéo en fait, qu'on a vue. On s'aperçoit que quand la personne est amenée à commenter donc, l'itinéraire à faire pour arriver au point prévu, elle montre par sa gestuelle aussi tout un ensemble de repères hypothétiques, de volumétrie, de rythme. Je me demande si vous avez travaillé systématiquement sur ces gestuels-là, parce qu'il me semble que c'est un corpus qui pourrait être très intéressant dans la question qui est comment, en évacuant quasiment, ou en tout cas en laissant de côté provisoirement la dimension verbale, en restant justement sur la gestuelle, comment est-ce qu'une gestuelle qui n'est pas forcément mobile, d'ailleurs qui peut être en fixe, est à même de restituer en fait, un cheminement en marche avec... avec son contexte, donc des repères spatiaux ou autres, des volumétries, voire même des rythmes de marche qui sont indiqués par des bras. C'est-à-dire comment est-ce qu'on passe des bras aux jambes, d'une certaine manière. Oui, alors moi je n'ai pas travaillé d'une manière fine et détaillée sur la dimension gestuelle. J'ai travaillé sur le verbo-gestuel et d'ailleurs ma première entrée, je vous l'ai dit, mon premier corpus était sonore. J'ai beaucoup travaillé au départ sur le verbal, mais un verbal forcément contextualisé parce que sinon on n'y comprend rien, bien sûr. Donc quand on a le sonore, il faut prendre des notes sur un carnet, etc. immédiatement, sinon après on ne sait plus ce que les gens ont montré comme objet, comment ils étaient, quelle était leur posture, qui permet par exemple de savoir quelle est la rue, la première rue par laquelle il faut passer quand ils ne la verbalisent pas. Voilà. Donc, moi, je serais intéressée effectivement à un développement de ce côté. À ce moment-là, ben, comment faut-il faire ? Il y a aussi la question des méthodes. Est-ce qu'il faut se constituer une base de données de la gestualité, fabriquer directement des séquences visuelles, ou est-ce qu'il faut les transcrire ? Par exemple, Lorenza Mondad, qui est ethnométhodologue et qui s'intéresse beaucoup à la gestualité, elle a travaillé sur le corpus dont je vous ai montré un petit extrait. Et elle fait des transcriptions. Elle fait des transcriptions des gestes. Et moi, je me suis contentée jusqu'à maintenant d'étudier la coordination de manière visuelle, mais pas en transcription. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on travaille là-dessus, on a plutôt tendance à faire l'inverse de ce que vous dites, c'est-à-dire avoir le son et puis compléter avec l'image comme on peut. Hein. Couper le son et travailler sur l'image, ça pourrait être une méthode radicale qui serait intéressante effectivement, mais où il y aurait beaucoup de blanc, hein. parce que le verbal joue un rôle tout à fait important aussi dans les descriptions. Donc il ne faut, faut pas jeter le verbal non plus. Il y a le monsieur qui est derrière toi, Jean-Paul. Voilà. Et puis, je voulais revenir un petit peu sur la question d'affectivité, parce que dans le document que vous avez donné avec l'intervention du monsieur d'un certain âge et les deux jeunes filles qui le questionnaient, il me semble qu'il y avait. Bouddha. Je suis dedans. C'est une citation. Merci du complément. Il me semble que dans cette affaire-là, du point de vue affectif, et comme ça nous arrive, je crois, à tous, il y a quand même trois phases. Il y a une première phase, il me semble, complètement une phase de panique de la part du type, et qui me paraît apparentée à la chose. Vous avez un monsieur avec un képi qui se penche devant la vitre de votre voiture qui lui dit « Monsieur, vous avez votre permis ?» et qui fait briller ses galons, vous voyez. Donc là, je crois que c'est la panique, et c'est peut-être l'explication qui fait que personne ne se sert des noms de rue, parce que les noms de rue, on les connaît un petit peu, mais pour les sortir, il faut faire un effort intellectuel, il faut se ressaisir. J'ajoute que, après, il y a une phase où je pense qu'on se ressaisit dans ces explications, on commence à prendre le moral, on se dit, ça y est, je vais me sortir de cette mauvaise situation. Et monsieur, il est comme ça, il est extrêmement tendu, il m'a aussi vu, il jette un coup d'œil, je me suis demandé s'il ne soupçonnait pas qu'on est en train de le filmer à ce moment-là. Et puis, à la fin, que je comparerais, si vous voulez, au moment de terminaison de la parade nuptiale d'un rêve, où le mâle se sépare en air satisfait, là, il est tout à fait dans cet emploi. Donc, je pense que, je ne sais pas comment vous réagissez à tout ça, mais il me semble que ça existe, quoi, que c'est vrai, et qu'il est très rare qu'il y ait des gens qui réellement fassent absolument le contraire, c'est-à-dire, ne soient pas gentils. Ça arrive, je crois, de temps en temps. J'ai vu une dame qui a fait ça pendant mon enfance, qui était assez bien, de manière assez systématique, ce qui montre que ça l'aidait à vivre. C'est-à-dire de se débarrasser des gens. De dire ce machin, il m'ennuie, il dit n'importe quoi. J'ai jamais vu ça. C'est jamais arrivé, ce qui montre que l'humanité est bonne. Oh, ben, si, alors, nous avons conservé uniquement les itinéraires aboutis. Hein. Donc là. On en a. Ça serait intéressant de travailler sur les démissions, vous avez raison. Hein, sur les gens qui se défilent, qui nous envoient promener. Oui, on en a eu. On en a eu, mais nous ne l'avons pas gardé dans la collection finale. Mais on peut le retrouver dans l'enregistrement initial. Hein. Alors, effectivement, ben, la panique, comme vous dites, est grande au départ chez tous les locuteurs. Et j'ai essayé de faire la différence entre hommes et femmes parce qu'elle me semble assez significative. Je suis bien d'accord avec vous. Hein. Il s'agit de se débrouiller dans l'espace et à part les gens qui connaissent de manière parfaite et qui adhèrent immédiatement à leur environnement, c'est ceux qui vous produisent, disons, c'est du type c'est simple, tac, tac, tac, tac, et on y est, bon. Mais la plupart du temps, c'est pas comme ça. Donc, d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure de la marche, hein, vous voyez que la phase de prise d'orientation, la phase de départ, hein, elle est caractéristique finalement de la marche aussi, je dirais, parce que quand nous marchons, ce qui est important, c'est pas simplement un pas après l'autre, mais c'est le moment aussi où nous prenons le départ. Et quand nous prenons le départ, nous sommes arrêtés. Par définition, si nous voulons trouver notre chemin, si nous ne le savons pas par cœur. Donc, nous prenons une vue. Hein. Quand on marche en montagne, c'est pareil. On va commencer par regarder autour et chercher le sentier, chercher le départ du sentier de randonnée ou de la piste, etc. Donc, dans la marche, j'intégrerai paradoxalement aussi des points d'arrêt panoramiques et qui sont des espèces de condensations du projet de la marche, de tension dans le projet de la marche. J'ai oublié aussi de demander la chose suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que la première phase, en fait, aussi, c'est une phase intime? C'est-à-dire qu'on va faire rentrer quelqu'un dans l'organisation de son propre monde, c'est-à-dire dans sa manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je pense que c'est pour ça que les gens, avec le monde, tout le monde adopte cette attitude. C'est-à-dire qu'il y a un étranger qui est là et on va tester si sa manière de s'expliquer soi-même et son environnement va fonctionner pour un autre. Parce que dans les faits, dans le quotidien, je ne pense pas qu'on fonctionne d'une manière organisée comme avec une carte. Moi, je m'aperçois avec humilité qu'il y a tout un tas de trajets que je fais quotidiennement, où je ne connais absolument pas le monde des rues, ça ne m'a pas intéressé, je ne m'intéresse pas, je sais faire, je fais pour moi. Et je débouche à un moment quand quelqu'un me demande une question sur la question est-ce transmissible, et c'est pour ça que je panique, parce que je ne trouve pas d'autre. Oui, oui, alors la panique, au cas de la compétence qu'on a à donner le trajet, parce qu'on connaît plus ou moins bien, c'est effectivement le problème de l'ajustement de quelque chose qui doit devenir explicite à partir d'une expérience et d'une dimension procédurale. Du faire, il faut passer au dire, dire entendu d'une manière très large, puisque bon, il y a la dimension actionnelle qui est intégré dans le corps, dans la pratique, dans la transmission des savoirs pratiques, c'est entendu. Mais enfin, il faut quand même se débrouiller hein, dans ce transfert. Et effectivement, la transformation est souvent commentée sous forme de difficultés. Alors, il y a aussi, comme vous le dites, plusieurs pratiques à l'égard des noms de rue. Hein. Parfois, comme dans chez notre locuteur, aucun nom de rue n'est donné. Parfois, un nom de rue très significatif, parce que celle-là, il ne faut pas que vous la manquiez, sinon vous ne trouverez pas. Mais il y a autre chose. Alors, j'avais gardé, parce que j'ai hésité, bien sûr, quand j'ai voulu choisir ce que j'allais vous dire, j'avais pensé aussi à vous dire d'autres choses. Et parmi les choses que je pouvais vous montrer, c'était la manière dont la définition du tissu urbain, la manière de considérer le tissu urbain influence l'itinéraire. Quand on traite l'itinéraire, quand on traite le tissu urbain comme un tissu de petites rues, c'est un ensemble continu. Et à ce moment-là, les gens vous disent « il va vous falloir couper hein. ». Vous coupez et puis alors ils vous font des dessins. Et ils vous disent « c'est des zigzags ». Ou alors, ils ne vous le disent pas, mais ils vous font ça, ils vous font le geste. Ou alors… J'en ai un qui me fait ça. Voilà. Donc ça, c'est quand il y a considération de l'espace comme une continuité, comme un tissu homogène. Les petites rues, elles, voilà. Ah oui, oui. C'est une continuité. Et en revanche, si on considère les rues comme des entités séparées, discrètes, comme disent les linguistes, quoi, comme des entités séparées, alors on les identifie plus facilement. Hein. Alors souvent, c'est des rues plus larges qu'on nous donne. Et ça va faire aussi des variantes dans les trajets. Trajets en coupant dans le tissu des petites rues, on se lance dans la jungle. Ou alors, tracé orthogonal, on prend par une rue plus large et il est orthogonal parce que souvent vous avez des tournants à angle droit qui sont bien identifiés, qui sont beaucoup plus visibles. Alors ça, c'est deux comportements dans l'espace. Mais ça ressemble un petit peu à ce que vous nous citiez ce matin. Les entrelacs et les... C'est l'influence mutuelle de l'espace et du langage qui agissent l'un sur l'autre pour se définir. Quoi. Et peut-être qu'il va falloir qu'on s'arrête malheureusement là parce que je crains qu'on n'arrive pas à tenir le cap de la deuxième.